avec un tiret entre chaque particule. Proxy Science, du 9 au 15 octobre, à la Maison pour tous de la Mousserie de Waterloo. Animation, ateliers et bien sûr pas mal d'expositions sont prévues, notamment des conférences vous attendent aussi à la ferme pédagogique, au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo, ainsi qu'au CERF municipal, mais aussi au Parc du Lion. Programmation complète disponible par téléphone auprès de l'Office du Tourisme de Waterloo au 03 20 75 85 86. Le 20e festival Tourcoing Jazz se déroule du 12 au 18 novembre prochain sur la ville de Tourcoing. Un grand moment pour tous les fans de jazz avec 7 jours d'exception et sur scène les plus grands artistes internationaux. Programmation complète disponible par téléphone au 03 20 68 50 80 ou encore sur le www.tourcoing-jazzfestival.com pour en savoir plus. D'autres informations sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Galaxy. Ghetto Mania. Manhattan sur Galaxy. Play those horns. Catan sur Galaxy. Thank you. Thank you. that booty, shake that ass. Shake that ass. Shake that ass. the stereo. Up some more. Up some more. Up some more. Up some more. Up some more. Up some more. Up some more. Mania. Manhattan sur Galaxy. We'll be right back. We'll be right back. Castagna. Manhattan sur Galaxy. www.djmanhattan.com.

Manhattan sur Galaxy.